bienvenue à votre podcast du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy! Bienvenue au Lobster 145.0. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis quand même occupé ces temps-ci. C'est le printemps. J'ai redébuté les chasses au perros sur mon île. Bon, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les chasses au perros, eh bien, je fais des sculptures en poterie, là, des perros du nom de mon île. Puis je les cache dans les parcs. Ben, je cache pas les perros, là. Je cache des marqueurs en céramique que j'ai fait. Puis je les cache dans les parcs de notre île. Puis c'est comme une chasse au trésor. Les gens, ils doivent aller dans les parcs que je leur dis, trouver le marqueur, puis s'ils me le rapportent à la maison, eh bien, je leur échange contre une sculpture de perros. Bref, j'ai plein de gens qui participent à ça, puis ça prend du temps de faire les perros, les faire cuire, les peinturer, tout ça, organiser ça. Donc, cette semaine, c'est quoi? Cette semaine, j'ai caché 5 marqueurs en poterie dans 5 parcs différents, puis les gens peuvent venir les échanger contre des lutteurs mexicains que j'ai faits. Mes sculptures de Pérou, c'est quoi? Ça mesure, disons, 8 pouces de haut. Le dedans est vide, c'est toujours le même style de poterie, de bonhomme, sauf que, évidemment, le dessin dessus change. Au début, je faisais seulement des personnes humaines là, qui n'avaient rien de spécial, puis après ça, j'ai commencé à faire des super-héros, après ça, j'ai commencé à faire Tintin, j'ai fait Astérix, j'ai fait tous les personnages qui me passent par la tête. Là, j'ai fait Rick et Morty. Qu'est-ce que j'ai en cours? J'ai fait des monstres, c'est des loups-garous, on a Freddy. Bref, je suis rendu dans mon livre, je pense, au 325e que je fais, puis j'en ai donné environ la moitié. Ouais, je sais pas, moi j'en garde dans ma collection à moi, j'en ai sûrement une centaine à moi, puis le reste chez mon frère, chez ma copine, mes parents. Puis le reste, ben, il a été donné. Puis maintenant, les gens, c'est un par famille seulement. Au début de la première année, les gens pouvaient en trouver plusieurs. Mais maintenant, vu que je cache des marqueurs en céramique, là, des petites pièces que j'ai faites, je les mets à un par famille pour donner la chance à plein de gens. Donc, c'est ça qui occupe mon temps ces temps-ci. Sinon, qu'est-ce que je fais d'autre? Ah oui, j'ai commencé le jardinage. Évidemment, c'est le début du printemps. Puis au début du printemps, ben c'est l'ail. L'ail est semé en automne, mais il me restait beaucoup de bulbes d'ail au garage que j'avais pas encore mangé, là, des bulbes de la récolte précédente de l'année passée. Donc j'en ai ressemé beaucoup, là, une centaine que j'ai ressemé au jardin. Puis ça a germé en quelques jours seulement, là, une dizaine de jours, puis c'était sorti. C'est sûr que ceux-là, les bulbes vont être prêts un petit peu après les autres qui ont semé à l'automne. Parce qu'habituellement, l'ail, on sème à l'automne pour que le bulbe il s'enracine comme il faut. Puis dès que le printemps arrive, là, il peut monter en force. Fait que ceux que j'ai semés au printemps, eux vont être prêts, disons, je sais pas, 2 semaines après les autres. Ça sera à vérifier là, quand je fais l'arrachage. Puis finalement, dernière chose qui m'occupe le week-end, eh bien, j'ai joué. On a débuté, moi, mes copains, puis moi. On a commencé à jouer à Star Wars Unlimited. C'est un jeu, un TCG, là, un Trading Card Game. Qu'on joue. Mes amis et moi, on joue à Magic là, de Gathering depuis des années. Magic, c'est l'ancêtre de tous ces jeux-là. Puis là, dernièrement, on a débuté à jouer à Star Wars Unlimited. Star Wars, il y avait déjà eu un jeu dans le même style, mais il y a plusieurs années, j'avais joué. C'était Richard Garfield qui avait sorti ce jeu-là. Richard Garfield, c'est celui qui a créé Magic de Gathering. Et il y avait eu la franchise il y a 20 ans pour faire du Star Wars aussi. À ce moment-là, le jeu, Richard Garfield, il a fait 3 séries à ce moment-là, puis après ça, il a revendu, puis, je pense, les droits, puis ça a été fait par une autre compagnie, puis ça a tombé. Fait qu'il y a eu comme 6-7, par cœur, je me souviens pas. J'essayais de chercher tantôt, puis je retrouve même pas, là. Moi, j'avais eu la chance de jouer à ce jeu-là, parce que le gagnant... Parce que évidemment le principe de ces jeux-là, c'est qu'il y a des tournois régional, tournois provincial, puis après ça, tu vas aux États-Unis faire le gros tournoi. Puis le gagnant pour le provincial au Québec, était à l'université avec moi, avait gagné, puis il m'avait tout équipé avec ces cartes-là de l'époque là, du jeu de Star Wars, avec toutes les Luke, Dark Vader, Leia, puis toutes les grosses planètes, le Death Star, puis tout ça. Mais le jeu n'était pas si le fun que ça, parce qu'on devait se déplacer de planète en planète, c'était quand même complexe et pas si le fun. Fait que moi, j'avais revendu ce jeu-là à la fin. Je n'ai plus de cartes de ça. Puis là, le jeu qui a redémarré, concept totalement nouveau. C'est un jeu qui se joue tour par tour. Chacun des joueurs joue une action. Les parties, en 25 minutes, on se claire de ça, une partie. Donc, c'est pas long comme Magic. En tournoi, on a 25 minutes, tandis que Magic ont 1h30 dans la boutique où je vais. Fait que, juste pour vous montrer comment c'est plus rapide. Puis, puis le concept est le fun. Encore, évidemment, on a tous les personnages de Star Wars. Dark Vader, Luke, dans le premier set. Ça s'appelle Spark of Rebellion, le premier set qui vient de sortir. Ils sont en rupture de stock de cartes. Le prix des cartes a monté. C'est compliqué d'avoir des cartes. Il devrait y avoir un restock de cartes en juin. Mais ça, c'est un mois seulement avant le deuxième set qui doit sortir. Puis s'ils ne sortent pas beaucoup de cartes, je ne sais pas si c'est en reprint ou c'est les fournisseurs qui en ont qui vont les relâcher juste avant, en juin. Mais j'ai l'impression que le prix des cartes va quand même rester assez haut. En ce moment, dans ce jeu-là, il y a des cartes qui coûtent assez cher. En fait, si tu les veux, là, parce qu'ils appellent ça des cartes showcase. Ils en mettent une par 12 boîtes de boosters que tu achèterais. Donc, si tu achètes... En fait, il faudrait que tu achètes 288 boosters puis pour avoir la chance d'en avoir une. C'est une carte qui est très rare. Puis, et ces cartes-là, c'est quoi qu'ils ont de spécial? Eh bien, rien à part un dessin spécial. C'est comme pour les collectionneurs qui veulent avoir une carte qui a un dessin différent des autres. Tu peux avoir la carte en version 25 sous ou une pièce, alors que si tu as Boba Fett en showcase, elle vaut 1000$ en ce moment. Donc, c'est pas une carte que moi je désire avoir. C'est sûr, si je la pognerais dans une boîte ou dans un booster, je la mettrai en vente tout de suite pour pouvoir acheter des cartes. Je garderai pas cette carte-là quand tu peux avoir la carte en version à une pièce. Sinon, dans les cartes normales, là, dans les cartes qu'on joue et ceux-là qui n'ont pas de dessin spécifique, là, la carte la plus chère en ce moment, c'est la carte de Dark Vader. Pourquoi il se vend plus cher? Eh bien, c'est parce qu'il y a un pouvoir assez fort. Et c'est pour ça que les gens en veulent 3 dans leur deck. Dans Star Wars, on a le droit d'avoir 3 cartes pareilles, donc c'est pour ça que les gens essaient d'en avoir 3. En Magic, c'est 4, mais Star Wars, règles différentes, c'est 3. En ce moment, c'est ça, c'est les cartes les plus chères qu'on cherche à avoir, c'est Dark Vader, qui tourne autour de 125 à 140$. Ben, il se vend 100$ US en ce moment, plus 20$ de shipping, fait que ça vous donne une idée. Luke est à 60$ US plus shipping. Puis l'autre qui vaut cher, je crois, c'est Boba Fett. Moi, il me manque 8 cartes pour avoir toutes les cartes du set. Moi, vu qu'on pouvait... Moi, j'ai acheté 2 boîtes du jeu de départ. Donc, 48 boosters. Chaque boîte a 24 paquets. Et par la suite, vu qu'on pouvait plus acheter de cartes, de boîtes, parce que ça se vendait plus, il n'y en a plus, eh bien, j'ai acheté à l'unité les cartes que je voulais qu'il me manquait. Je me suis dit, c'est le premier set, achète-les avant que les prix montent. Et effectivement, les prix n'arrêtent pas de monter. Moi, j'ai acheté Luke Skywalker qui me manquait. Puis bon, plusieurs autres cartes. Là, j'ai fait une commande qui m'a coûté une centaine de dollars. Et là, bon, j'ai tout ce que je voulais, sauf Boba Fett, que je trouvais trop cher pour sa valeur. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui l'ont dans leur deck, puis c'est des decks très forts, mais il en faut 3, fait que ça me tentait pas de payer 3 fois 75$ pour avoir 3 cartes. Mais j'ai quand même acheté Luke parce que je voulais avoir Luke et Darth Vader, qui sont les deux personnages principaux, à mon avis, de l'univers de Star Wars. Bon, c'est ça. Sinon, pourquoi ça occupe mon temps? Parce que le week-end, il y a une boutique pas loin de chez moi, qui s'appelle La Pieuvre Barbue. C'est une boutique de cartes. Il fait des tournois de l'Arcana, Magic, Star Wars. Et j'y vais tous les samedis maintenant, depuis que j'ai découvert que c'était pas trop loin de chez moi, puis en campagne. J'ai pas besoin d'aller me pogner dans le trafic de la ville pour aller là. Puis qu'est-ce qui se passe quand tu vas là? Ça coûte pas cher. Ça coûte 10$ pour participer au tournoi. Ils te donnent un booster de cartes, parce que la boutique, le fournisseur a quand même renvoyé des boîtes de cartes aux vendeurs, à ceux qui organisent les tournois, pour que dans leur tournoi, ils puissent quand même nous donner des prix qui sont des cas. Donc, quand on s'inscrit au tournoi, pour 10$, on a un booster de cartes. Et dépendant du nombre de personnes sur place, ben, il y a un prix en argent aussi là, pour les trois premiers. Et quand on va au tournoi, on a la chance d'avoir aussi un paquet spécial de cartes qui, lui, contient trois cartes. Il y a une carte rare, deux communes. Y a-tu deux communes? Attends, j'ai les à côté de moi. Il y a une rare et deux communes. Ouais. C'est quoi ces cartes-là? C'est des cartes qui ont des dessins spéciaux. Donc, c'est un peu comme les cartes de showcase que je vous parlais tantôt. C'est juste qu'il y a c'est une carte. Je l'ai en normal, la carte, là, avec un dessin bien standard, mais là, ils ont un beau dessin qui a été fait que tu peux avoir juste dans les paquets promotionnels. Et évidemment, ces cartes-là ont plus de valeur. On parle pas de grande valeur. Comme là, ce week-end, dans mon paquet spécial, j'ai eu la carte de ma rare s'appelle Greedo. Et c'est la plus rare de ces 7-là. Elle se vend 7$. Mais là, j'ai eu la version foil. C'est une version en plus qui est brillante. Fait que c'est le maximum que je peux avoir là. C'est la plus rare. Et je pense que c'est ça. Ça se vend une dizaine de dollars canadiens. Et qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Ça, c'était Greedo. J'ai eu Luke Skywalker Lightsaber avec un super beau dessin. Et Green Squadron A-Wing. Ça, c'est un vaisseau. Parce que dans ce jeu-là de Star Wars, on attaque avec des unités par terre, sur le ground, et on attaque aussi dans l'espace. Et voilà. Voilà pour Star Wars. C'est pour ça que je m'en vais dans les tournois, pour avoir ces cartes promotionnelles-là et les paquets là, qui viennent avec les choses. Il y a 20 cartes promotionnelles à collectionner. Moi, ça fait 3 tournois que je vais. Donc, j'ai eu 9 cartes en tout. Puis, il y en a une que j'ai eu en double. J'ai eu deux fois une rare qui est Dark. Comment c'est les Star Trooper. Non, Death Trooper. Les troupes de la mort de Darth Vader. Je l'ai eu deux fois en rare. Je vais essayer de l'échanger contre une autre rare, peut-être. Parce qu'il y a quelqu'un. Les gens les collectionnent. Tout le monde essaie d'avoir les 20 là, juste pour avoir la collection complète. Bon. Et voilà. Et voilà pour Star Wars. Et voilà pour Star Wars. Est-ce que ces cartes-là, vous me demanderez, ça vaut vraiment cette valeur-là? Tu sais, quand je vous parlais des cartes de showcase qui valent, comme Boba Fett, qui se vendrait 1000$ en ce moment, eh bien, c'est le prix du marché. Est-ce que ça vaut vraiment ça? J'en doute, mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont prêts à payer ces prix-là. Si je compare au monde de Magic que je connais bien, eh bien, moi, dans le temps, j'avais acheté 10 librairies d'Alexandria pour 1000$. Puis à cette époque-là, c'était quand même un gros prix, là, payer 100$ la carte puis n'acheter 10 d'un coup. Puis bon, j'avais tout revendu à mes amis. J'en avais gardé une pour moi. Et combien vaut cette carte maintenant? Le prix du marché, cette carte-là vaut 1400$. Imaginez si j'avais gardé les 10 et que j'avais pas revendu tout mon Magic. Mais bon. Ça semble valoir ce prix-là parce qu'il y a des gens qui collectionnent et il y a des gens qui veulent avoir ces cartes-là qui sont rares. Il y a la même chose avec l'Orcana là, pour ceux qui suivent les jeux de game, les jeux de cartes. L'Orcana, c'est le jeu avec les personnages de Disney, dont tu peux avoir Mickey et Pluto, Cendrillon, c'est ça, dans ces cartes-là. Puis c'est le même principe, il y a manqué de cartes aussi pour le premier set de l'Orcana. Et les cartes ont monté en valeur. Et c'est ça. Là, à la boutique où est-ce que je vais, il fait des tournois. Puis le fournisseur a envoyé comme prix des cartes. Ces cartes-là, l'équivalent des showcases de Star Wars, il a envoyé les cartes rares de l'Orcana comme prix. Et ces cartes-là valent 1000$. Là, c'est ça, je voyais sur le site Facebook du magasin où je vais, là, au tournoi, il y avait 43 joueurs qui sont venus au tournoi et les 4 premiers ont chacun reçu une de ces cartes-là qui vaut 1000$. Fait que c'est immense comme prix quand même. Là. Tu vois un tournoi qui te coûte 10, 15$, 20$ maximum, puis si tu gagnes, tu repars avec une carte à 1000$. C'est ça qui fait qu'il y a des gens qui sont portés à aller acheter les cartes qu'ils ont besoin parce que ces tournois-là, tu arrives avec ton paquet de cartes à toi, ton paquet de jeux, ton deck. puis t'essaies de battre les autres avec. Puis évidemment, il y a des cartes fortes, puis si tu veux en avoir 3 cartes dans ton deck, ben t'as pas le choix de les acheter. Puis quand il y a pas de cartes à vendre, ben le prix monte de ces cartes-là, parce que tout le monde les veut pour aller au tournoi et aller gagner. Donc, c'est ce qui fait que malheureusement, les cartes prennent des prix qu'on voudrait pas qu'ils prennent. Moi, je veux pas que ça me coûte 125$ pour avoir Dark Vader, 150$. J'aimerais bien mieux qu'ils se vendent à 5$ puis que je puisse en acheter 3 puis m'amuser avec. Là, je suis pogné, j'en ai juste un. J'ai juste un Dark Vader, un Luck. Mais bon, ça fait partie de ces jeux-là de cartes à collectionner. Souvent, ben c'est peut-être une stratégie aussi des vendeurs qui ont ces franchises-là, de mettre juste un nombre limité pour s'assurer que le prix monte, puis ça donne un attrait. Les gens essayent de les collectionner, puis quand tu ouvres un paquet, puis si tu pognes Boba Fett dans ton paquet, puis que ça vaut 1000$, ben là, tu dis « Oh boy, j'ai été chanceux ». Puis ça, bon, ça attire les gens. C'est un peu comme la même chose que les cartes de hockey, mais nous, on peut jouer avec nos cartes qu'on achète. C'est le même principe. Donc, c'est ça pour le début du Lobster. On débute en musique avec Planet Funk chez Chase the Sun. Et au retour, on parle du monde médiéval cette semaine. J'ai comme un dossier là-dessus. Et oui, bon, on va sûrement parler des nains à la cour des rois, même si c'est pas ça mon sujet. Donc, on décolle en musique. Go! Bring the beat back! De retour dans le Lobster 145.0. C'était une belle chanson. Je connaissais pas, j'ai trouvé ça par hasard sur Internet, puis sur YouTube, évidemment. C'est peut-être un peu long, mais bon, dans le Lobster, on n'a pas de limite de temps. Puis si vous trouvez que c'est trop long, de toute façon, vous avez juste à cliquer sur le petit piton, puis avancer de 30 secondes. Avance! Wouh! Jusqu'à temps que je me remette à parler, si c'est ça que vous voulez entendre. Donc, vous pouvez les skipper, ces chansons-là, que moi, parfois, j'aime à cause de l'ambiance que ça donne. Oh, je crois qu'on a un appel. OK, quand on a un appel durant le Lobster, on le prend, et je vous mets... On l'écoute! Papa! Oh, on a un appel. Ma copine qui veut vous dire bonjour avec sa voix enraillée de grippe. Vas-y, tu peux dire bonjour. Bonjour. Non, t'as l'air à moitié morte. Non, la dernière fois, tu avais dit « Je te laisse faire ton podcast ». C'est ça que tu avais dit. Ah, oui, je te laisse faire ton podcast. OK, ben merci beaucoup. Bye-bye. Papa! Bon, tant qu'à être dans les appels, je pense qu'on va appeler mes parents aussi. J'ai de la misère à avoir des chroniqueurs. Je suis toujours tout seul. Pourquoi j'appellerais pas les gens? Ouais, c'était une bonne idée. Fait que, OK, on appelle mes parents, puis on va faire une petite chronique, je sais pas de quoi. Fait que, on appelle, voir si mes parents sont là. On les écoute. Papa! Salut, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Qu'est-ce que vous faites de beau aujourd'hui? On fait pas grand encore en pyjama. Oui? Ah bon? On va s'habiller là, pour aller faire des petites commissions, mais on fait rien. Le temps est dol. Ah oui? Dans la maison. Nous autres, il fait beau. Nous autres, dehors, je sais pas combien il fait, mais c'est comme humide, chaud. C'est le fun, là. C'est une belle température de printemps, là. T'as-tu du soleil? Non, par exemple, c'est nuageux, mais il fait pas froid. On peut être en manche courte dehors. Tantôt, j'ai vu des enfants qui font de la trottinette, puis ils sont en short, là. Ah, c'est fun, hein? Ouais. Ben, nous autres, on n'est même pas encore allé dehors. Mon papa, il dit qu'il fait pas chaud. Non? Ah, OK. C'est quand même frais, ouais. Ouais. Ça a été à 100 heures de fumier. Ah ouais, c'est vrai, ils ont entendu le fumier en face de chez vous, puis ça puait, là. Ouais. Mais ils annonçaient de la pluie, hein, fait que dans ce temps-là, ils allaient le mettre toujours dans ce temps-là. Ouais. Fait que dans le coup, c'est bien parce qu'on n'a pas trop longtemps, là. Ben oui, c'est pour pas que ça dure une semaine, là. Ouais, c'est le fun, là, Julien Frédéric qui est inscrit, hein, pour faire son marathon, là. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il est retourné sur Facebook. Tu sais, je comprenais pas pourquoi il revenait. C'est parce qu'il veut partager son affaire. Il ramasse des dons pour Sainte-Justine. Ouais. Ouais, on a regardé, mais c'est-tu compliqué, Fred, pour faire un don, là? Faire un don, non. C'est, ben, tu cliques, puis là, tu mets ton numéro de carte de crédit, puis ça permet de faire le don, là. C'est pas plus que ça, là. Non, tu mets ton nom, puis ton adresse, puis tu vas recevoir un reçu. Ouais. Non, OK, je vais regarder, on va essayer de le faire, là, puis y envoyer des sous, là. Ouais. Tu l'as mis sur le Facebook, t'as partagé, là. Ouais, ouais, ouais, puis moi, j'ai juste cliqué sur son lien, puis j'y ai viré 35$, là, avec les frais, ça donne 37$ et 10$, fait que j'y ai fait un don aussi, là. OK. Ouais. Mais là, tu l'as-tu mis dans Famille Minier? Non, je l'ai mis juste dans mon Facebook. Ouais. Parce que tu pourrais le mettre dans Famille Minier aussi, si tu veux. Ah oui, je peux bien. Mais là, tout le monde le verrait, c'est ceux qui veulent en mettre, ils en mettront. Mais je pense que j'ai pas mal tout le monde dans mes amis, non? Je sais pas, hein, j'ai pas tout le monde. Non, t'as pas tout le monde, sûrement pas, non. OK, je vais le mettre dans Famille Minier, comme ça, s'ils veulent l'encourager, ils pourront. Ben, c'est ça. Ouais. En passant, c'est que tu fais? T'es en train de jouer avec des cartes? Ah, j'avais mes cartes de Star Wars dans les mains. J'enregistre mon émission, puis mon Lobster, puis là, j'étais en train de regarder. Je parlais de Star Wars tantôt. C'est pour ça que j'ai mes cartes avec moi. OK. Ils sont bleus? Non, ben, c'est en fait, je mets des... Comme ça, c'est un deck de Luke Skywalker, puis j'ai mis des plastiques bleus pour reconnaître toutes les cartes qui vont dans ce deck-là. Puis j'ai pris un autre couleur, j'ai pris blanc pour Dark Vader, puis on change de couleur pour reconnaître nos cartes qui vont dans un deck. Okay. Ouais. OK, pour pas les mélanger, là. Ouais, c'est ça. Hein? Mais hier, je vous ai dit que j'étais allé au tournoi. Oui, je vous l'ai dit que j'étais allé au tournoi, ouais. Ouais, hier, puis t'as gagné, t'es arrivé troisième, hein? Ouais, que j'étais quand même content, là, pour acheter mon beau tapis. C'est le fun. Ben, ouais. T'as-tu dit à Antoine que tu lui avais acheté des affaires pour chercher des pièges? Non, non, j'y ai pas parlé encore. Je vais essayer d'appeler Alex tantôt pour lui dire que j'y ai acheté un beau kit puis pour lui montrer là, son kit de géologue. Là, je suis sûr qu'il va être content. Puis un matin, Ah oui, je suis sûr qu'il va être content. Puis un matin, j'étais allé chez Renaissance, puis ils vendaient des beaux livres pour enfants, pour dans le style qu'ils aiment, des histoires un peu de monstres, de sorcières, puis de fantômes. Fait que j'ai acheté, il y avait 6 beaux gros livres. Fait que je vais en donner la moitié à Yasmine, puis la moitié à Antoine, puis ils les échangeront quand ils auront lu. Ah, ben oui, c'est une bonne chose, c'est vrai. Ben oui, c'est des livres de leurs âges, là, de 8-9 ans, là, de début de lecture. Là. C'est écrit gros avec des dessins, fait qu'ils devraient être contents. Ah, c'est fun. C'est le fun, tu y trouves plein de belles affaires, hein? Ouais, c'est ça, chez Renaissance, c'est jamais cher. Ouais, t'as vu que Jean-Pierre Ferland était mort, hein? Ben oui, Jean est décédé, puis c'est ça, il parlait beaucoup de son album Jaune, puis hier soir, j'étais curieux, j'étais allé écouter, puis c'est vrai que c'est beau, là, ces chansons-là. Ouais, ils disent que la musique au Québec est avant Jaune, puis après Jaune, ça tout a changé après ça, la musique au Québec, qu'ils disaient, là. Ouais. Ils disent que un album qui a eu beaucoup d'influence sur la musique au Québec, là. Mais c'est vrai qu'il faisait des belles chansons. Là, oui, oui, c'est sûr, je le connaissais avant, là, mais pas tant que ça. Puis vous autres, vous l'écoutiez quand avant ou vous l'aimiez? Ben oui, on connaît toutes ses chansons, nous autres, c'est sûr, là, tu sais, Jean-Pierre Ferland. Puis tu sais, il commence à chanter, puis on le reconnaissait. Là, oui, oui, il y avait ça. C'est pas une voix comme tout le monde non plus. Là, c'est fait ça. Que, ben oui. Pis, mais il a fait énormément de succès, là, tu sais, c'est... Puis hier, c'est ça, quand j'ai vu qu'il était décédé, j'ai écouté ses chansons de l'album Jaune, là, rapidement, puis après ça, je suis tombé sur ses autres chansons de plus de votre temps, là, comme les Belles Canto, puis ces affaires-là, puis j'ai pas... Je pense que je me suis couché à minuit et demi à écouter de la vieille musique. C'est drôle, quand on se met à écouter des chansons, hein? Ah oui, tu sais, c'est le fun à écouter, là. Ouais, ben oui. Bon, ben c'est bon, fait que c'était notre chronique musique que j'enregistrais en même temps, là, vous êtes dans mon émission. fait que si vous écoutez mon émission, vous allez entendre que vous êtes dedans. Bon, ben c'est bon. Salut, bye bye. Papa! Bon, de retour dans le Lobster 145.0, c'était mes parents, qui sont mes chroniqueurs que j'appelle au besoin. Bon, on suit pas le plan là, que j'avais prévu, j'ai plein d'autres choses que je voulais vous parler. Je voulais vous reparler un peu de la série Fallout qui est sortie sur Amazon Prime. C'est 8 épisodes d'une heure et quelques à peu près, mais c'est merveilleux. J'ai fini de les écouter. Et cette série-là, elle a été créée, là, le scénario a été créé en collaboration avec Bethesda là, qui a créé les jeux de Fallout. Et tout ce qui se passe dans la série s'inscrit dans la continuité des jeux. Donc, il y a plein de choses qui viennent expliquer, il y a plein de choses que je ne savais pas, donc je ferai pas de spoiler, rien, là, vous pouvez continuer à écouter, mais on apprend, en écoutant la série, on apprend la cause de la bombe nucléaire, qu'est-ce qui a mené à cette explosion. Je ne sais pas si c'était expliqué dans les jeux qu'on a joués, là. Moi, j'ai joué à Fallout 4, j'ai joué à Fallout New Vegas, j'ai pas joué aux autres avant, là, Fallout 3 et avant. Parce que c'est des jeux que j'imagine que je ne connaissais pas de ce temps-là. C'est ça, dans la série Fallout 4, dans la série d'Amazon Prime, qui est tellement bien faite, c'est en prise réelle, là, c'est des vrais, c'est pas des bonhommes, là, c'est des humains. On suit l'histoire d'une fille, pour une raison X, qui sort de l'abri, je sais pas si c'est l'abri 111 comme dans Fallout 4, mais elle sort de son abri pour aller chercher quelque chose à l'extérieur. On suit aussi, je vous vends rien, là, on le voit dans la bande-annonce. Donc, on suit cette femme-là, on suit l'histoire aussi de celui qui est de la compagnie des Brothers of Steel, la compagnie de l'acier, on suit ce personnage-là. On suit aussi la goule, dans le jeu, il y a une genre de goule, là, il manque un bout de nez. Puis les ghouls sont comme intuables. Ils vivent longtemps. Puis quoi d'autre? Qui qu'on suit d'autre? Je pense que c'est les trois principaux. Oui, de mémoire, c'est ça. Puis donc, c'est ça. Je vous invite à écouter la série, même si tu n'as même pas vu les jeux. C'est une belle série là, de science-fiction. Puis qui laisse place, évidemment, à une série 2, à une suite. En tout cas, j'ai bien hâte de voir la suite. Évidemment, il va falloir attendre longtemps. Là. Ils nous ont garoché les 8 épisodes, puis... C'est un peu comme The Witcher ou les autres. Faut attendre 1 an, 2 ans avant d'avoir la suite. C'est plate. Je dévorerais tout d'un coup si c'était disponible. Mais bon. Donc, c'est ça, Fallout. Je vous l'invite à l'écouter. C'est disponible sur Amazon Prime ou sinon, vous pouvez le télécharger sur Zone. Moi, je l'ai téléchargé sur Zone Téléchargement. Là, c'est un site web où on peut télécharger des jeux et plein de choses. Là. Tu cliques, cliques, cliques, puis tu finis par réussir à le télécharger. Puis quoi d'autre? Oui, je voulais vous parler de d'intelligence artificielle encore cette semaine. Hier soir, j'ai passé la soirée dans la musique. Puis j'étais sur le site de Suno AI, S-U-N-O-A-I. Je vous en ai déjà parlé, je fais de la musique avec ça. Tu écris tes paroles, tu choisis le genre, puis il te sort une musique. Mais là, ils viennent de sortir la version 3 de leur engin. J'ai vu ça hier soir, puis là, ils ont fait beaucoup d'améliorations. Les chansons sont encore meilleures. Maintenant, tu as un genre de beta engine où tu peux aller voir des exemples de chansons que les gens ont fait, puis tu vois ce qu'ils ont mis pour en arriver à cette chanson-là. Donc, genre, ça va être écrit French chanson. Donc, tu vas avoir une genre de chanson à la style française. Ou tu peux avoir French reggae mixé avec chorale. French reggae chorale. Puis là, tu écoutes ça, puis tu dis, oh, j'aimerais savoir ce style-là. Fait que là, tu mets tes paroles à toi, ou si tu veux, tu les laisses les générer par l'outil, par l'intelligence artificielle. Puis là, tu mets ton style, puis là, tu fais créer ta chanson, puis. Puis là, ça marche bien. Puis c'est ça, vu que maintenant, avec l'affaire Beta qui nous montre plein de sortes de chansons, hier, j'ai passé la soirée à faire des chansons. Parce que là, avant, ça marchait pas bien. On pouvait faire 5 chansons par jour. Je sais pas si c'est parce qu'il y avait encore un bug hier soir, mais là, j'avais comme 500 crédits. Je pense que c'est le maximum qu'on peut accumuler dans un mois. Puis rouler, faire une chanson, ça en coûte 10. Puis maintenant, l'amélioration avec la V3, c'est que tu as pu te compliquer la tête pour rallonger la chanson. Ils ont mis ça beaucoup plus simple, puis c'est beaucoup plus rapide en plus. Je ne sais pas s'ils ont rajouté du processing, des processeurs dans le réseau d'intelligence artificielle, mais ça va beaucoup plus vite. Tu peux même commencer à écouter la chanson avant qu'elle soit terminée. Fait qu'il est encore en train de la composer, puis que toi, tu écoutes le début. Puis maintenant, la chanson se génère en moins de 1 minute. Là, ça va vite, vite, vite. Donc, je pense qu'on va écouter des chansons que j'ai générées hier soir. Moi, ce que j'ai fait... Bon, hier, j'étais dans un trip. Comme mes parents disaient tantôt, Jean-Pierre Ferland est décédé. J'ai écouté beaucoup de musique ancienne. Puis après ça, j'ai fini par tomber sur les émissions de jeunesse que j'écoutais quand j'étais jeune. Fait que j'ai pris les paroles de Goldorak, de Rémi, au pays de Candy... Puis plein de choses. Albator. Ah oh oui, Albator. Puis j'ai fait des chansons avec ça. Puis dans un style métal, dans un style punk grunge. Donc, je pense qu'on va en écouter quelques-unes. On se lance avec... bon, regarde, je sais pas si on les écoute toutes en ligne. Puis après ça, je vous reviens. Donc, OK, on les écoute. On les écoute, puis on en parle au retour. Donc, des chansons, des émissions jeunesse revues par l'intelligence artificielle. Oh, suis sans famille. Je m'appelle Remy et je me balade avec tous mes amis. Vitalis, joli cœur, Sabino, Capi et Remy vont faire comme Néo. Dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Je suis sans famille. Sous-titrage Société Radio-Canada. Vicky fut autrefois. Hey hey, Vicky hey, les Vikings sont toujours là sous les étoiles. Vina toutefois, Vicky. Le fils du vieux chef a des idées de sa petite tête pour les sauver. Des loups, des méchants, des pires dangers ou les vendeurs démérités. Les Vikings venus du Nord, les Vikings venus du Nord. Hey hey, Vikings, Vikings, Vikings, Vikings du Nord. Hey hey, Vikings, Vikings, Vikings, un chasse au trésor sous les étoiles. Vila toute voile, Vika. Même. Est-ce que c'est pas bon ça? Albator! Bon, c'est ça, dans Sono, Albator, ben, tout ce que j'ai eu à faire, c'est que je suis allé sur Internet, j'ai pogné les paroles d'Albator, puis là, j'ai choisi le style French Heavy Metal Adagio. Fait que là, il y a comme un fait. Il y a comme une documentation là, pour le logiciel Sono, puis ils nous disent toutes les tags qu'on peut mettre dans la musique. Si je regarde à Albator, là, je suis dans le. J'ai mis short instrumental intro. Donc, j'ai demandé qu'il y ait comme une petite intro. Puis là, ensuite, les paroles qui suivent, là, Albator, Albator, du fond de la nuit d'or, j'ai mis entre parenthèses mélodique chorus. Fait que quand on utilise le tag chorus, ça indique de pousser un peu la note un peu plus fort. Puis ensuite, ce qui n'était pas le refrain, j'ai mis entre guillemets spatial verse. Verse, c'est pour les paroles normales. Puis là, j'ai mis spatial, qui est un tag pour dire de mettre ça un peu, on chante un peu dans le style de l'espace. C'était comme pour donner donner des indications à l'intelligence artificielle d'aller dans ce style-là. Ensuite, après mes deux, trois premiers paragraphes, j'ai mis mélodique interlude. Fait que là, c'est pour ça qu'il y a un solo de guitare qui arrive à peu près dans le milieu de la chanson. Puis après, je continue avec les spatial verse, mélodique chorus. Puis après, j'ai indiqué que je voulais big finish. Ça veut dire qu'ils font comme un solo à la fin. Puis j'ai mis slash end. Puis souvent, je viens mettre des paroles après end pour finir avec des paroles. Fait que c'est un peu la manière d'utiliser Suno. Si tu n'utilises pas les tags, ça va marcher. L'intelligence artificielle va décider pour toi qu'est-ce qu'elle fait. Mais avec les tags, c'est qu'on peut être encore plus précis. Moi, ça fait quand même un bout de temps là, que j'utilise. Puis je commence avec la V3, là, ça a été super rapide d'obtenir ces chansons-là. Puis il nous en sort toujours deux. Puis là, c'est rendu que les deux sont quasiment bonnes. J'ai de la misère à me décider lequel que je garde. Puis maintenant, je garde les deux. Parce que par défaut, il nous sort un 2 minutes de chanson. Puis si tu veux, tu peux la poursuivre. Avant, c'était compliqué. Ça remettait le prompt pour rajouter des paroles pour la suite. Puis là, ça se compliquait. Le style n'était pas pareil. Maintenant, ils ont rendu ça plus facile dans la version 3. Tu as juste à mettre continuer. Puis il a continué automatiquement. Fait que là, c'est en tout cas, on est rendu version V3. Ça, cet outil-là, j'utilise ça depuis quelques mois. Moi, ce que je prédis avec ça, c'est que bientôt, on va avoir dans nos autos ou à la maison sur nos ordi des postes de radio pour lesquels tu vas dire que la musique va être composée on the fly pour toi. Ça évolue tellement vite, l'intelligence artificielle. Là. Moi, écoute, la chanson d'Albator, là, t'sais, j'ai pris les paroles. Imaginez là, dans le temps. Là, dans le temps, il engage quelqu'un qui écrit les paroles, il engage un groupe pour jouer à la musique. Mais là, imagine, là, j'aurais juste besoin d'inventer les paroles, puis je rentre ça dans l'intelligence artificielle. Quand tu payes 8$ par mois, ben les chansons sont maintenant à toi, tu peux les utiliser de façon commerciale. Donc, pourquoi une émission se taperait d'aller payer des gens, un groupe de musique qui va te charger, je sais pas moi, 5 000$ pour te faire la chanson que tu vas utiliser dans ton émission? Alors que l'intelligence artificielle, en 1 minute, elle te sort 2 versions de la chanson pour les paroles que tu as faites. Puis la qualité, bon, c'est sûr qu'on peut toujours deviner que c'est des chansons qui sont créées par intelligence artificielle. On le voit dans la voix, on le ressent encore un petit peu. On arrive à deviner que c'est des chansons générées par l'intelligence artificielle. Mais pour mettre ça dans une émission pour enfants, hey, moi j'aurais entendu ça, là, Albator, là, écoute. Ah. Écoute, moi, Albator aurait eu ça comme chanson, puis j'aurais été bien content, là. Ça fait l'affaire. C'est sûr que là, moi, j'ai choisi un style métal parce que j'adore un peu ce style-là. Mais il y a 100 000 sortes de styles. Regardez, je pense qu'on va se mettre en mode bêta. Ouais, on peut faire ça. Je me mets en mode bêta, puis j'arrête de parler, mais je vais enregistrer juste ce qui sort de l'ordi pour vous montrer à quoi ça ressemble des chansons qui sont générées sur le fly comme ça. Donc, je vous laisse 2 secondes juste pour vous montrer différents styles de chansons. OK, finalement, on va rester avec le micro parce que c'est plus le fun si je peux commenter. Donc, ce qu'on va faire, c'est que j'ai monté le son de mes haut-parleurs. On va les approcher un petit peu. En tout cas. Puis, on va aller dans Suno. C'est le mode, ils appellent ça le mode Explore, c'est en bêta. Puis, t'as comme une roulette. Puis, ils ont comme mélangé tous les styles là, qu'on peut avoir en tag, là, puis qu'on peut utiliser dans le générateur de chansons. Puis, tu choisis un style, puis il te présente 5 chansons qui sont générées par l'intelligence artificielle. Donc, mais là, il y a des centaines de styles, là, la roue est immense. OK, on y va. Mais imaginez, là, ça, c'est généré automatiquement. Là. Ça veut dire qu'on pourrait avoir ça dans le char. Là, on écoute un poste de radio qui génère de la musique. Tu choisis dance, puis français. Puis il génère des chansons selon les styles que toi, tu as choisi. On the fly, comme ça. À chaque fois, c'est une nouvelle chanson. Puis est-ce que ça sonne bien? C'est ça qu'on veut voir. OK, on y va. Je clique sur Disco Cloud Rap. La chanson se nomme Love in Neon Light. On écoute un autre. L'autre version. C'est quand même bon. C'est généré sur le fly, là. OK. OK, OK, on essaie d'autre chose. Jazz Soul. OK, on va à la prochaine. Oh, yeah! OK. Ah, il y a même un bouton, un D. On peut y aller au hasard. OK. Là, on était jazz, soul. C'est pas mes styles de musique, là, ce qu'on vient d'écouter. On va essayer de pogner de quoi. Là, c'est Caribbean. OK. Ben, je pense qu'on va choisir parce que à date, j'aime pas bien, bien. Est-ce qu'on choisit? J'aimerais ça trouver des choses en français. Mais là, c'est une roulette immense avec toutes sortes de styles. Et puis, OK, French Psy Band. Fait que ça, ça s'appelle, la chanson s'appelle La connexion humaine. Je vais l'avancer un petit peu. Ça va être surtout ambiant. Surtout de l'ambiance. Attends, on va. Je pense que là, on est avec Jojo Savard. Partager quoi? Ah, je touche au sable doux. Ah oui, la danse de la vie. Ah, le souffle. Ah. OK, non. Hey, là, je vois passer sur la roue French Ska. Oh, oh yeah! On est avec Yellow Molo. La chanson s'appelle Face à l'injustice. Oh yeah! OK, on écoute. On reste en French Ska. On va écouter la deuxième. Ça sonne quand même bien. La troisième? Ouais, j'ai remarqué que les chansons ska sont toutes bonnes. Ah, ça sonne bien là quand même. Quand t'aimes le style là. Ben c'est ça l'intelligence artificielle. Ok, mandarin, American, primitive. Les trois styles mélangés ensemble, qu'est-ce que ça donne? Oh yes, on est au Texas ou en Louisiane? Oh yeah! Down, down, down, down. Je sais pas si c'est en quel langage, mais... OK, on va à la deuxième. Oh, ça, ça sonne bien. Oh yeah! OK, OK, on va passer à d'autres choses. Tantôt, je vous ai fait jouer Vicky Levick, le Viking, là. Puis ça, j'avais mis comme style 16 bits. Puis là, je vois passer sur la roulette arabique 16 bits. On va aller voir c'est quoi. Ça va sonner jeu vidéo, là, mais en arabe. come on! Yo! Ok, on va avancer un peu. Wow, ça se gâche un petit peu. On va aller à la deuxième. Oh, on est rendu dans Zelda, là. Ok, on avance pour voir que ça... Ah, mon doigt en arabe, ça sonne vraiment pas beau, là. Ok, on essaie la troisième, juste pour voir si on va en pogner une bonne. Nah, c'est pas beau. C'est pas beau. Ok, on continue. Moi, ce que j'aime bien, c'est le style punk puis metal. Puis j'ai des serres rouges. Ok, surf. Surf, j'en ai fait hier. Ah, ça s'appelle Symphonie de la mer. Ça sonne un peu à musique des années 70. Puis, évidemment, là, c'est en anglais. Quand moi, je crée des chansons, vu que mes paroles sont en français, je spécifie toujours French en premier pour que les voix qu'il va chercher dans son intelligence artificielle, il utilise des voix françaises qui vont venir prononcer les accents puis les affaires correctement dans mes chansons. C'est sûr, des fois, ça vire mal, là, ça marche pas, mais c'est mieux de le spécifier. OK, qu'est-ce qu'on a d'autre sur la roulette? Ok, on y va au hasard. Ça va être risqué. Mon cœur bat pour toi, mon amour sans fin. On est dans le Afro Trap Rhythm and Blues ensemble, les trois. La chanson se nomme Mon cœur bat pour toi. J'ai signé love comme un lion dans le vent. Dans tes bras, je trouve la paix, le refrain. Ok, on va aller voir No. Vous trouvez pas quand même, là, on écoute ça, puis ça a l'air d'une chanson de la radio, là. C'est... Ok, là, je viens de voir un style que j'adore. Ça s'appelle Bubblegum Bass Symphonic Metal. Je pense que ma chanson d'Albator était en symphonique metal. Puis Bubblegum, je sais pas c'est quoi, mais c'est comme des. En tout cas, on écoute. Bon, celle-là est pas super. On va aller à la prochaine. Deuxième. On reconnaît le style symphonique là, qui a été demandé. Ok, on écoute la troisième. Ouais, ça sonne bien, là. J'écouterais ça en m'en allant dans l'auto, là. Je serais bien content. Ok, je vois passer sur la roulette portugais 16 bits. Tantôt, on a écouté le arabique 16 bits, mais là, on va voir en portugais si c'est mieux. Il n'y a pas de parole, on va aller à la deuxième. Non, c'est pas bon. Ok, on approche de la fin. On a assez entendu ou on continue? Encore un petit peu. Ok, je reclique sur le D. Portugais breakbeat. Afrobeat disco. Oh yeah! Bienvenue à bord de la croisière s'amuse, les amis. Survive and try. Ah oui, une chose que je vous ai pas dit, c'est que quand tu génères la chanson, ensuite tu peux la downloader en format audio ou en format vidéo. vidéo, vous allez me dire c'est quoi, ben ils écrivent les paroles à mesure que ça chante. Fait que c'est quand même le fun. Ils t'a highlight les paroles. Fait que tu peux chanter en plus ta chanson avec les paroles qui sont affichées à l'écran. OK, on va écouter de la musique classique. Ah, je pourrais jouer sur le piano. Bon, alors la deuxième. Bon, quand t'aimes ça, hein? OK, quoi d'autre? Joie, ska, coptique. Coptique, je sais pas c'est quoi. Ouais, mais le, j'aime bien le ska, ça sonne bien là à l'intelligence artificielle. Bon, ça se gâche un peu avec les paroles. La deuxième. Bon, je suis allé voir Coptique, c'était quoi? C'est un copteur des. C'est un groupe religieux religieux chrétien de indigènes de la, l'Afrique du Nord qui ont émigré en Égypte. Mon dos, c'est bien compliqué. En tout cas, fait que c'est pour ça que les paroles sont un peu bizarres là. Bon, ok, on en fait un dernier. Un dernier. J'aimerais ça trouver métal. C'est mes. Bon, mariachi, non. Country disco. Oh yeah! Oh, oh, oh. Ok, je vais-tu trouver métal? Hier, je l'ai pas trouvé sa roulette. Ok. On arrête si on le trouve pas. 5, 4, 3, 2. Non, je ne l'ai pas trouvé. On va cliquer sur le D une dernière fois. Dernière chance. Et non, c'est dur. On est tombé sur Raga Al Ghoreev. On va l'écouter, c'est la dernière. Oh yeah! Et voilà. Ça vous montre c'est quoi l'intelligence artificielle dans Suno? C'est très très fort. Ben, je suis vendu. Vous m'entendez en parler là. Puis c'est ça. Créez-vous un compte sur Suno parce que. La manière que ça marche, chaque jour, tu as un certain nombre de crédits par mois. Ça coûte le plan de base, moi je paye pas, là, j'ai 50 crédits qui sont renouvelés chaque jour. Avant le problème, avant dans la V2, ils nous ajoutaient pas les 50 crédits chaque jour. Puis là, depuis qu'on est passé à la V3, que je viens de voir, ben mes crédits sont accumulés. C'est pour ça que j'en avais hier, c'est quasiment 500. J'avais un mois. Ou je sais pas, là, mais en tout cas, j'en avais une tonne. Là, je suis rendu à 390. Puis si je tombe à zéro, puis je vais continuer, je peux payer 8$, ça me redonne 2500 crédits. Puis si je paye 24$, j'ai 10 000 crédits, qui est l'équivalent de 2000 chandons. On ne se rendra pas là, là, mais... Puis quand tu tombes avec le plan à 8$ ou 24, c'est marqué « Général Commercial Terme ». Ça veut dire que... c'est toi qui possèdes les chansons et tu pourras aller les mettre sur YouTube et gagner de l'argent avec. Donc, c'est à toi d'inventer tes paroles, évidemment. Là, je pourrais pas aller mettre mon Albator que j'adore, là. Mais c'est pas mes paroles. Là. Je peux pas aller gagner de l'argent avec ça, mais je pourrais inventer mes propres paroles puis me générer un album de musique puis le mettre sur Bandcamp, par exemple. En autant que j'ai payé, ben j'ai les droits sur mes chansons. Et voilà! Tout ça pour parler de Suno. Est-ce qu'on part en musique? Bon, on vient d'écouter plein de musique, là. Donc, on va partir en écouter quelque chose de drôle, disons. Puis on revient après. Fait qu'on écoute un épisode de Kaamelott. Qu'est-ce que c'est que ce merdier que vous bouffez, là? Ça, c'est mon spécial pleine lune.

c'est sûr qu'il reste le spectacle sur place, mais tu sais, c'est qui ont commencé déjà à... C'est Kiss qui ont dit qu'il faisait plus de tournée, mais qu'il allait envoyer des hologrammes à la place qui chantent leurs chansons? Hey, on s'en vient pas mal, l'intelligence artificielle, là. OK, on termine en musique, avec de la vraie musique. Je vous dis bonne fin de Lobster, puis on se revoit rapidement parce que le texte pour le prochain Lobster est déjà tout fait. Je vais peut-être l'enregistrer tout de suite, puis vous le mettre disponible. Malgré qu'il fait beau dehors, je vais peut-être aller jouer dehors dans mon jardin. Donc, c'est bon! Fait que bonne fin de Lobster, merci d'avoir écouté, puis on se revoit très bientôt. Bye-bye!